fleur au-dessus des girolles. Que ton cœur enlumine, ton visage en corolle s'étale et m'illumine. Fleur sur tes deux belles tiges qui jamais ne terminent, tu transmets le vertige qui me contamine. Fleur, je t'aime pas du tout, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et jusqu'à la mélancolie. Fleurs au sommet des collines, que le soleil dévale, ton aura me domine, je baise tes sépales. Fleurs, dans quels profonds abîmes vont puiser tes racines, sans jamais s'épuiser, l'hiver comme l'été. Fleurs, je t'aime pas du tout, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et jusqu'à la mélancolie. Parfum et le hal que tes pétales exhalent troublent mes étamines, j'ai le cœur qui patine. Fleurs, sur tes grandes racines, tu déploies ta beauté, pour pas que tu t'abîmes, je veux vivre à tes côtés. Fleurs, je t'aime pas du tout, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et jusqu'à la mélancolie. Je t'aime pas du tout, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et jusqu'à la mélancolie. Et jusqu'à la mélancolie.